Psaume 21. Psaume de David, donné au maître chantre. Éternel, le roi se réjouira de ta force, et combien s'égayera-t-il de ta délivrance. Tu lui as donné le souhait de son cœur, et ne lui as point refusé ce qu'il a proféré de ses lèvres, c'est là. Car tu l'as prévenu de bénédictions de bien, et tu as mis sur sa tête une couronne de fin or. Il t'avait demandé la vie, et tu la lui as donnée, même un prolongement de jour à toujours et à perpétuité. Sa gloire est grande par ta délivrance, tu l'as couvert de majesté et d'honneur. Car tu l'as mis pour bénédiction à perpétuité, tu l'as rempli de joie par ta face. Parce que le roi s'assure en l'Éternel, et en la gratuité du souverain, il ne sera point ébranlé. Ta main trouvera tous tes ennemis, ta droite trouvera tous ceux qui te haïssent. Tu les rendras comme un four de feu au temps de ton courroux, l'Éternel les engloutira en sa colère, et le feu les consumera. Tu feras périr leurs fruits de dessus la terre, et leur race d'entre les fils des hommes. Car ils ont intenté du mal contre toi, et ils ont machiné une entreprise, dont ils ne pourront pas venir à bout. Parce que tu les mettras en butte, et que tu coucheras tes flèches sur tes cordes contre leur visage. Élève-toi, Éternel, par ta force, et nous chanterons et psalmodierons ta puissance.